Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du, fe yekullullahu tebareke ve teala fi kitabihi ve rattilil Kur'ana tertila. Ve yekullun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, el mahiru bil Kur'ani ma'a seferatil kiramil barara. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق لو أجران رواه البخاري ومسلم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. Pour reprendre rapidement, inshallah ta'ala, ce qu'on a pu voir la semaine dernière, en attendant que Omar Habidallah nous rejoigne, on va faire une brève révision du cours de la semaine dernière. Tu as le cours devant toi, la Fawaz, et là j'ai mis le partage d'écran. Oui, j'ai le cours devant moi et je l'ai mis en PDF. Ok, très bien. Alors, j'ai fait le partage d'écran. Soit le mieux c'est que tu suives le partage d'écran, parce que des fois je mets le curseur sur des. Ok, c'est bon, je suis sur le partage d'écran. Ok, très bien. Une seconde. Voilà. Donc, la semaine dernière, Wallahalhamd, on a commencé l'introduction à la science du Tajwid. On a dit que cette introduction, c'est une introduction qui est à faire, c'est une introduction qui comporte 10 sous-introductions. Et cette introduction est à faire lorsqu'on étudie n'importe quelle science des sciences de notre religion. Et parmi cela, la science de At-Tajwid, qui est une des sciences du Coran. Cela fait partie des sciences du Coran, Ulumu al-Quran, comme At-Tafsir, comme les fondements du Tafsir, comme la science des Mufaradat du Coran, c'est-à-dire le vocabulaire du Coran, etc. Et toutes les autres sciences qui forment les sciences du Coran, Ulum al-Quran. C'est pour cela que les savants qui ont écrit sur les sciences du Coran, ils ont, même si dans leurs livres qu'ils ont attrait aux sciences du Coran, ils ne sont pas spécialisés. Donc ces livres-là qu'ils ont écrits sur la science du Tajwid, ils ont rentré des portes qui ont attrait à la science du Tajwid. Comme par exemple, Al-Imam As-Suyuti, dans son livre qui fait partie des grandes bases lorsqu'on étudie les sciences du Coran, c'est un des livres les plus complets sur l'étude des sciences du Coran. C'est un niveau intermédiaire et spécialisé, ce livre-là, c'est-à-dire qu'une personne qui aura un niveau intermédiaire dans les sciences du Coran pourra s'attaquer à ce livre-là, et comme cela, celui qui est spécialisé dans les sciences du Coran, il devra bien maîtriser ce livre-là, qui est Al-Itqan. Il s'appelle Al-Itqan fi ulum al-Quran de l'imam As-Suyuti, de l'Hafid As-Suyuti. Dans ce livre, il a mis, ou il a écrit quelques portes ayant attrait à la lecture du Coran et les sciences du Tajwid. Des choses générales, parmi cela certaines choses que nous allons voir ici, et nous allons voir un peu plus en profondeur, comme on a dit. Donc notre cours sera un cours qui aura un niveau fin débutant, début intermédiaire, puisque le but aussi de l'étude des sciences du Tajwid que nous faisons ici, c'est le fait de pouvoir l'enseigner. Donc on l'apprend pour nous afin de bien maîtriser les sciences de Tajwid dans la récitation du Coran. ainsi que ces termes, par rapport à la terminologie scientifique liée à la science du Tajwid, ce qui est de la théorie de la science du Tajwid, afin de bien le maîtriser pour nous et de pouvoir aussi le réenseigner plus tard. Et donc, comme j'ai dit, cette science du Tajwid, elle fait partie des sciences du Coran, d'où son importance, comme on va le voir ici. Parmi ceux-là, donc, les livres qui traitent de cette science ou des sciences du Coran, Al-Itqan de Al-Hafidh al-Suyuti, comme cela aussi, Al-Burhan fi Ulum al-Quran de Al-Hafidh al-Zarkashi. Al-Burhan fi Ulum al-Quran de Al-Hafidh al-Zarkashi. Pareil, ça c'est un livre intermédiaire et spécialisé, c'est-à-dire que les spécialistes dans l'étude et l'enseignement des sciences du Coran, ils utilisent beaucoup ces deux livres-là, l'Itqan de Suyuti et le Burhan de Zarkashi. Et donc ces deux-là, malgré que le livre est appelé Ulum al-Quran, le Burhan fi Ulum al-Quran, l'Itqan fi Ulum al-Quran, les sciences du Coran, eh bien, ils ont rentré des portes ayant attrait à la science du Tajwid, de la lecture du Coran, des portes générales, certaines plus particulières. Donc on voit que cette science-là, elle fait partie des sciences du Coran. Donc la personne qui voudra donner son droit au livre d'Allah, le musulman qui voudra donner son droit au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se doit, ainsi de le réciter comme l'a récité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu de nous. Ainsi, celui qui voudra grandir le Coran et lui donner la place qu'il mérite dans sa vie au quotidien en tant que musulman, eh bien, il se devra d'apprendre cette science, la science du Tajwid. La moindre des choses, donc, pour réaliser ce que je viens de citer ici, le fait d'apprendre les règles du Tajwid d'une manière, d'apprendre la pratique sans la théorie, et celui qui voudra plus pousser, apprendre la théorie avec la pratique. Et Inch'Allah, c'est ce que nous allons faire tout au long des cours qui vont venir, Inch'Allah, au Ta'ala. Fawzi, tu me dis s'il y a un problème de son ou quelque chose, hein? D'accord, alhamdoulilah, non, ça va. Ok, très bien. Donc, nous avons vu dans ces 10 introductions, ou ces 10 sous-introductions, cette grande introduction par rapport liée à la science du Tajwid, la première introduction, qu'est-ce que le Tajwid? Nous avons dit que d'un point de vue linguistique, le Tajwid est la racine du verbe jawada. Donc, nous disons dans la langue arabe jawada, yujawidu tajwidan, tajwidan. Et le verbe jawada qui veut dire dans la langue arabe hassana, yuhassinu. Donc, at-tajwid, c'est at-tahsin. At-tajwid, c'est donc at-tahsin. Et c'est le fait d'embellir quelque chose. Comme cela, tu diras par exemple, ujawidu bayti. Ujawidu qira'ati, j'embellis ma maison, comme j'embellis donc ma récitation, ma lecture. Et d'un point de vue de la terminologie scientifique du terme tajwid, c'est le fait d'embellir sa récitation en donnant à chaque lettre son droit. Et le droit de chaque lettre, c'est son point de sortie. Donc on avait détaillé un petit peu la semaine dernière par rapport à ce qui a trait au point de sortie. On a dit que cela, ce sera le thème de plusieurs cours qui vont venir, et ces cours là ont leur place dans, on va dire, vers la fin de nos cours de Tajwid. C'est à dire que ce n'est pas pour tout de suite, mais petit à petit dans les cours que nous allons faire, nous allons bien sûr nous occuper de bien comprendre quel est le point de sortie de chaque lettre et de bien le pratiquer. Et petit à petit, comme quand nous allons voir par exemple les règles de An-Nun, As-Sakina, Wat-Tanwin, qui est la première porte que nous allons étudier, ensuite les règles de Mim Sakina, eh bien nous allons à chaque fois devoir voir en premier lieu quel est le point de sortie de An-Nun et de toutes ces règles qui ont attrait à la règle de An-Nun As-Sakina wa At-Tanwin. Donc les points de sortie, c'est quelque chose que nous allons voir en général au fur et à mesure que nous allons avancer dans les cours et jusqu'à arriver à la fin des cours Inch'Allah et voir cela bien en détail et bien en théorie. La théorie avec la pratique, bien sûr. À la fin des cours, Inch'Allah ta'ala, que nous allons faire. Donc le droit de chaque lettre, c'est son point de sortie, ainsi que les attributs qui lui sont propres. On avait un petit peu détaillé cela au dernier cours. S'il y a quoi que ce soit, Fawazi, tu n'hésites pas, Inch'Allah. Les questions, elles sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Donc la deuxième introduction, quel est le jugement du point de vue de notre législation, du point de vue de notre sharia? Le jugement de l'apprentissage de la science du tajwid. On avait vu que cela se divisait en deux parties. Le jugement de notre sharia par rapport au fait d'apprendre la théorie, la règle du tajwid en théorie, et le fait d'apprendre la règle du tajwid en pratique. Ce qui est de la théorie, on avait vu que c'était un fard kifai, donc une obligation de groupe, et la pratique était une obligation qui était à tout à chacun, donc un fard aïn. La troisième introduction était, quel est le sujet de cette science? Le sujet de cette science, c'est le Qur'an. Donc la science de Tajwid tourne autour du Qur'an. Ce que nous allons jawad ici, ce ne sont ni les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni al-shi'r, c'est-à-dire donc la poésie, ni même les paroles des savants, mais c'est bien le Qur'an. Et comme on avait dit, nous convenait de définir qu'est-ce que le Qur'an. On avait vu que le Qur'an est la racine du verbe qara'a, donc nous disons qara'a yaqra'u, qira'atan wa qur'anan. Donc Qur'an, sa signification est qira'a. Qur'an, sa signification est qira'a, qu'on pourrait traduire en français par la lecture ou la récitation. Ceci bien sûr d'un point de vue purement linguistique. Mais qu'est-ce que ce Qur'an que nous lisons? Nous avons vu cette définition qui, comme je vous avais dit la semaine dernière, est très très importante. Non. Cette définition. Attends. Il y a Omar qui est rentré. Omar! Fawazi? Oui? Non. Je crois que Omar, là, il vient de rentrer avec nous. Omar! Il vient de rentrer. Omar! Allô? Il a coupé le micro. Le problème, c'est qu'il est là. Dans tous les cas, on continue. Le cours, là, il est rentré avec nous, alhamdoulilah. Je lui enverrai le début du cours que j'ai enregistré, Inch'Allah. Omar. Donc, comme on avait vu, le Qur'an, as-salaf, ils ont défini. Attends. Il y a un petit souci. Voilà. Vas-y. Ouais, non. Tu m'entends? Omar, tu viens? Eh ouais. Omar, il vient de se connecter. Omar! Salam alaikum. Je sais pas, tu vois. Je le vois connecté, moi. Il est imam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hayyakoum Allah. Hayyak Allah ya Omar, marhaban. Amin, barakallahu fikoum. Wallah, moustahil, ikhwan, désolé. Khair, inshallah, y'a pas de soucis. Wallah, une organisation avec le petit, comme vous savez, là, j'ai une petite là, اللهم بارك اللهم بارك صلى الله يحفظه وفيك يا désolé Omar, on a dû commencer parce que en fait moi j'ai là ici tu vois, moi j'ai eu et on a une heure de plus, moi à 10h30, c'est-à-dire après le cours j'ai quelque chose d'important et tout à faire. Donc on a dû commencer et tout. Je suis désolé, on n'a pas pu t'attendre, mais je t'ai enregistré. J'ai enregistré le début du cours, comme ça je te l'envoie, Inch'Allah. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Ok. Maintenant, on est sur les points qu'on a là, vous êtes en train de faire une révision. Voilà. On est passé faire une révision, voilà. Alhamdulillah, pas de problème. Alhamdulillah. On continue, Inch'Allah. Donc, comme on avait vu, donc, le fait que le Coran, As-salaf radhiyallahu alayhim, ils ont défini le Coran que nous lisons comme étant la parole d'Allah qui n'est pas créée. Cette parole est venue de lui, subhanahu wa ta'ala, et vers lui elle retournera. Donc cette phrase qu'ils ont employée à maintes et maintes reprises dans tous les épîtres qu'ils ont écrits, ayant attrait à l'aqida, comme sur le sunnah de l'imam Ahmad, ou sur le sunnah de l'Muzani, Sarih al-Sunnah d'Ibn Jarir al-Tabari, Sharh al-Sunnah d'Al-Barbahari, etc. Parmi les épîtres traitant de l'aqida, al-Salafiyya, ils ont expliqué le Coran comme réponse aux sectes comme Al-Ash'ira, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, qui eux ont dévié dans leur explication du Coran ou dans leur croyance par rapport au Coran. Donc ils ont défini le Coran, As-Salaf radhiyallahu anhum, comme étant Kalamullah, Ghayru Makhlouq, Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Donc le Coran c'est la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée car c'est une sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah. Et Allah azza wa jal, c'est bien lui le créateur, il n'est pas créé. Hasha lahu, car il est le créateur, donc aucun de ses attributs n'est créé. Il est venu le Coran de lui, car il l'a transmis, il l'a dit à Jibril alayhi salam, qui lui alayhi salam est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a récité le Coran, cela sur 23 ans, sur une période de 23 ans, depuis la révélation à ses 40 ans jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam, à ses 63 ans sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu de lui et vers lui il retournera, comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens de ses paroles, il retournera en une seule nuit vers lui, vers Allah tabaraka wa ta'ala, donc ceci à la fin des temps. Voilà pour expliquer rapidement cette définition par rapport au Coran. Et cela, on l'avait expliqué dans cette sous-introduction, la troisième. Quel est le sujet de cette science? Le sujet de cette science, c'est le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme j'ai expliqué avant que notre frère Omar Habdallah nous rejoigne, donc comme c'est enregistré, Yanni, le fait que cette science, la science de Tajwid, fait partie des sciences du Coran, de Ulum al-Quran, et c'est une manière, lorsque nous apprenons cette science, c'est une manière de donner sa place au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de le grandir comme il se doit, de lui donner la place qui lui est due, comme nous l'avons expliqué au début du cours. Ici, la quatrième introduction, qu'attendre de l'étude de cette science. Ce que nous attendons de l'étude de cette science, c'est le fait de préserver sa langue des erreurs dans l'arrestation du Coran. Et ces erreurs sont de deux sortes, comme on a dit, al-lahnu al-jali ou al-lahnu al-khafi. Al-lahnu al-jali, qui est donc l'erreur flagrante et importante, celle qui est interdite lorsqu'une personne, lorsqu'il restera le Coran, fera ce qu'on appelle al-lahn al-jali, on lui dira, qif, arrête-toi, va apprendre comment réciter le Coran. Et ce genre de personne, c'est une personne qui n'est pas autorisée à réciter, à présider, à officier une prière, s'il y a derrière lui des gens qui, eux, ne font pas ce genre d'erreur. Donc cette personne, elle doit officier donc sa prière en elle-même, elle pourra même, cette erreur-là, ou cette sorte d'erreur, elle pourra amener cette personne à rendre sa prière caduque. À partir du moment, par exemple, dans Al-Fatiha, qui est Al-Fatiha, qui est, surat Al-Fatiha, est un pilier de la prière, c'est-à-dire qu'une personne qui ne récitera pas Al-Fatiha, bien sûr, cette personne-là, à propos de laquelle nous parlons aujourd'hui, c'est une personne qui aura la possibilité de le réciter, mais elle ne le récitera pas. Récitera pas Al-Fatiha, elle ne sera pas venue avec ce pilier de la prière, sa prière ne sera pas valide. Comme cela, les ulama, ils ont dit que celui qui récitera le Fatiha avec des erreurs comme cela, comme l'ahn al-jali, comme le fait par exemple de dire al-mustakim, comme j'ai dit donc la semaine dernière, al-mustakim, de changer une lettre par une autre, de changer le sens de la de al-Fatiha, eh bien, ou de le sens du verset qu'il aura lu, et bien cela pourra annuler sa prière. Bien sûr, encore une fois, je répète, cette personne-là, c'est la personne qui aura la possibilité de le réciter correctement et qui fera cette erreur-là. Ensuite, une personne qui, lui, a un problème dans sa récitation par rapport à certaines règles, etc., cette personne-là, on va l'enjoindre à étudier la science de Tejwid, sans pour autant juger de sa prière comme étant caduque. Mais si cette personne-là, comme l'ensemble des sciences de la religion, si cette personne-là a la possibilité d'apprendre et elle a été feignante, elle a été, elle ne s'est pas donné les moyens d'apprendre, eh bien cette personne-là, c'est elle qui tombera dans l'interdit, l'haram, comme ici. Donc c'est cette personne-là qui sera concernée par ce jugement. Ensuite, l'erreur moins flagrante et moins importante, celle qui est détestable, c'est celle qui est en rapport avec l'ahn al-khafi. Car, à partir du moment où cette personne fera cette erreur-là, dans la récitation du Coran, elle n'aura pas récité le Coran comme le récita le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et nous avons été ordonnés de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce suivi implique sa lecture du Coran, donc implique le suivi dans l'ibadat, et il n'y a pas de doute que parmi les plus grandes adorations, dhikrullah, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les plus grands rappels d'Allah azza wa jal, le Coran. Donc la récitation du Coran fait partie parmi les meilleures des adorations. Donc à partir du moment où nous ne suivrons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une des meilleures des adorations, à partir de là, qu'est-ce qu'il reste aux musulmans ? Tafaddal, ya Omar. Barakallahu fik. Fik, ya Barakallahu. Al-lahn al-khafi, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. L'erreur qui est flagrante et qui est importante. Ça, c'est l'ahn al-jali. Al-jali, n'am. Subhanallah, dans les mosquées fréquentes, c'est beaucoup courant que les gens expriment. C'est vrai. Mais en fait, Wallahi, là, quand tu m'as dit ça la Les imams, ils ne sont pas du tout aptes à guider une prière, en vérité. Exactement. Et en fait, ce que je me disais, c'est que, subhanallah, c'est que plusieurs fois, j'ai voulu dire des choses. Je me dis, mais si je me lève, mon mari, je ne vais plus prier, je vais prier chez moi. Parce que les gens vont me détester. Allah al-Musta. Non, voilà, en vérité, c'est ça. Parce que, en vérité, dans chaque mosquée, on va, moi, là, j'habite à Chine depuis pas longtemps. On fait passer parfois des amis par rapport à leur âge. C'est pas par rapport aux amis qui sont dans le Coran, mais par rapport à leur âge, ou bien par rapport à des gens qui sont une certaine renommée, qui sont aimés par les gens, on les fait passer, et personne ne dit rien. Et toi, quand tu parles, eh ben, les gens disent, ben voilà, mais ça, malheureusement. Ça, c'est un grand problème, un grand souci. Le plus souvent, ce qu'on appelle les Shibani et Shayban, tu vois qu'ils ont une très mauvaise lecture. Et parmi eux, certains même qu'ils ont le Coran en entier. Tu vois ? Et là, on comprend ici la parole des savants lorsqu'ils ont expliqué la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah » Il sera l'imam du peuple, celui qui sera l'aqra de Kitab Allah. Et l'ulama, ils ont divergé sur quel est le sens de l'aqra. L'aqra, yani, du point de vue de la langue arabe, l'aqra, celui qui a le plus de récitations. Mais l'aqra ici, ce qui peut être compris, c'est ce que plusieurs parmi les ulama, ils ont compris comme l'imam Shafi'i. Et c'est ce que, par exemple, nos savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen ou Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, ils mettent en avant le fait que l'aqra, c'est pas forcément celui qui aura le plus de Qur'an. C'est aussi l'afqa. L'afqa, celui qui aura le plus de fiqh. Car une personne qui, lui, aura le Qur'an en entier, mais qui ne connaîtra rien de la sunna, ou très peu de la sunna, qui ne pourra pas arranger sa prière, eh bien cette personne-là, on ne va pas le mettre en avant. Et parmi ceux-là, la lecture, la récitation. Une personne qui lui a le Coran en entier, mais qui récite le Coran très mal. Et à côté de lui, quelqu'un qui aura Juz'amma, mais qui le récite parfaitement, sans aucune erreur. Il n'y a pas de doute que celui qui a Juz'amma, et qu'il récite parfaitement, et bien celui-là, c'est celui-là qu'on va avancer. Et ça, malheureusement, comme tu as dit, en France, beaucoup dans les mosquées, c'est par rapport à une certaine renommée, par rapport au fait que lui, c'est un ancien, etc. Ça, c'est une grosse erreur, malheureusement. Malheureusement. Allah Musta. Allah Musta. Abdou Samad, j'ai une question. Nam tafaddal. La sortie des lettres, ça fait partie des erreurs importantes et flagrantes, interdites ou détestées? La mauvaise sortie des lettres, ça fait, yani, en général, ça fait partie des erreurs flagrantes et importantes. L'ahn al-jali. Non, tu l'avais dit la dernière fois. Non. Sauf certaines lettres où, par rapport à cela, je ne sais pas si je vous avais dit la dernière fois, j'ai un petit texte que j'avais écrit, une petite recherche que j'avais écrit, que j'avais mis il y a quelques années sur internet comme ça. C'est sur la lettre Dhad. La lettre Dhad et les paroles des savants autour de la lettre Dhad, la manière de la prononcer correctement, et la différence entre la lettre Dhad et la lettre Dha. Et bien on voit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce que j'avais rapporté dans cette recherche que j'avais faite, que j'avais soumis à quelques-uns parmi nos mashayikh, qu'ils avaient validé, donc c'était le fait que Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahmatullah alayh, il parlait par rapport dans Majmou al-Fatawa, par rapport à Al-Fatiha. Et donc, comme je vous ai dit que Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière, donc la personne qui récitera mal Al-Fatiha au point qu'il va changer un verset, du fait qu'il aura changé une lettre, il aura dit, il aura donné à la place de Dhad, il l'aura transformé en Dal. Dal, c'est-à-dire Waladdalin, par exemple. Même s'il dit voilà dalin, dalin, voilà dalin, ça c'est un del, juste il a emphatisé le del. Ça c'est une erreur qui fait partie de l'ahn al-jali, qui peut rendre caduque la prière, du fait qu'il aura rendu caduque la récitation de l'Fatiha. Mais, Cheikh al-Islam Taymiyyah, il parle dans cette fatwa de la différence entre la personne qui fait cela et celui qui change. Il dit cela par rapport aux lettres, à l'ensemble des lettres, sauf celui qui aura changé al-dhad, la lettre dhad, en dha, du fait qu'elles sont très très proches dans leur point de sortie. Tellement elles sont proches dans leur point de sortie, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la lettre dhad et la lettre dha. Et donc à partir du moment où cette personne changera le dhad en dha, ça ce ne sera pas une lahn jali. Là il n'aura pas fait une lahn jali, c'est la seule lettre, ou les seules lettres lorsqu'elles sont changées, l'une à la place de l'autre, ça ne rentrera pas dans lahn el jali. Sinon toutes les autres lettres, si tu changes une lettre par une autre, ça c'est un lahn jali. Et comme cela, le problème de l'makharij, plus ou moins, et ça dépendra du problème de la personne, au niveau de l'makharij. Mais, comme on dit le plus souvent dans les problèmes de makharij, le fait que, par exemple, une personne, au lieu de prononcer le qaf, il prononcera le kef à la place. Ça, c'est un grand problème de makharij. Non. Ça va, Farouzi, c'est bon? Très bien. La cinquième, donc on s'était arrêté là, au dernier cours. Donc là, dans la cinquième introduction, on a le fait de savoir qui a réglementé cette science. Et qui a réglementé cette science du point de vue de la théorique. Qui a réglementé, c'est-à-dire qui a donné ses règles, qui a mis ses règles et les a définies. Ce sont les imams de la récitation du Coran. Donc comme vous le savez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'est-à-dire il prononçait le runna, c'est-à-dire comme on va voir le runna, je pense que vous savez ce que c'est que le runna déjà. Donc le runna, il l'a prononcé, ou il faisait cet attribut de la lettre nun ou de la lettre mim, le runna ou du tenwin, sans dire forcément que ça s'appelle une runna, que la runna elle est de deux temps, que la runna c'est telle et telle chose, vous comprenez? Donc tout cela, cette réglementation, par qui elle a été faite, et ces définitions par les imams de la récitation du Tajwid, et parmi ces imams-là, les imams que nous connaissons comme par exemple, nous généralement nous lisons le Coran d'après la version de Hafs an Asim. Hafs qui rapporte de l'imam Asim. Asim qui était un des grands lecteur du Coran. Et il s'appelait donc Asim ibn Bahdala, Asim ibn Abin Najoud. Et il a plus beaucoup d'élèves, et parmi ses élèves, deux grands élèves qui ont rapporté de lui sa récitation. Et donc les gens, ils récitent d'après ces deux versions-là. La version de Hafs, celle qu'on a l'habitude de lire, nous, même en Saoudia, c'est comme ça qu'ils lisent à Mecca, à Medina, Hafs. Comme on le connaît, ou comme on dit dans Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin. Ça c'est Hafs an Asim. Et Asim, il avait donc cet autre élève qui était Shu'ba. Donc il avait ces deux grands élèves, Shu'ba et Hafs. Nous, on a l'habitude de lire Hafs dans la plupart du monde musulman, en Égypte, en Saoudia, au Yémen. Dans une grande partie du monde musulman, ce sera d'après cette version-là. On a bien sûr, comme vous savez, l'imam Nafi, qui est un imam de l'arrestation du Coran, qui lui était au service de Ibn Umar, du fils de Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma, qui lui, Nafi, fait partie de Tabi'in, il ne fait pas voir ce sahaba, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au service d'Ibn Umar, et lui c'était un des imams de la récitation du Coran, il avait deux élèves pareils aussi. L'un d'eux s'appelait Warsh et l'autre s'appelait Qaloun. Donc Warsh, comme vous savez, c'est une version qui est très récitée au Maghreb al-Arabi, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, et voilà. Et en Mauritanie et dans certains pays comme cela, Warsh, donc Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, Et voilà. Donc c'est ces imams-là qui ont réglementé cette prestation. Cet autre aussi élève, juste pour finir cela, cet autre élève qui a appris de l'imam Nafi', qui est l'imam Qaloun, Qaloun qui est une autre récitation aussi, qui est beaucoup, ou qui est une récitation officielle en Tunisie et en Libye. En Tunisie et en Libye, il récite selon Qaloun, qui est proche de la version de Warsh, mais il y a quand même des différences. Et ces trois versions-là, ce sont les trois versions avec lesquelles la plupart des gens dans le monde musulman, la plupart des musulmans dans le monde musulman, ils récitent. Soit Hafs, soit Warsh, soit Qaloun. Voilà, donc c'est eux, ces imams-là, qui ont réglementé ces sciences. Les sciences du Tajwid. La sixième introduction, d'où est venue cette science? Quelle est son origine? Son origine est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Donc dans surat Al-Muzzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et récite le Coran lentement et clairement. C'est comme cela qu'ils le traduisent communément dans le Mus'haf, qui est traduit donc par le complexe du roi Fahd dans l'Arabie Saoudite. Ils le traduisent comme cela et récitent le Coran lentement et clairement. C'est ce qu'on appelle At-Tartil. Ça va venir avec nous dans notre introduction aussi. Qu'est-ce que At-Tartil dans les niveaux de récitation? Les niveaux de récitation. Les trois niveaux de récitation, At-Tartil. Donc, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran lentement et clairement. Ceci est la base, l'origine de cette règle, de cette science, pardon, de At-Tajwid. Ainsi, pour illustrer cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le disait Aisha radiallahu anha sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ, son comportement était le Coran. Donc nous avons aussi parmi les origines de cette science la manière qu'avait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran, car dans sa manière de réciter le Coran il y avait une illustration et une exégèse ou un exégèse ou un tafsir de cette parole d'Allah, wa rattil al Qur'ana tartila, ainsi que ses compagnons et nos pieux prédécesseurs ridwanullahi alayhim ajma'in. La septième introduction, quel est le bénéfice que nous retirons de cette science? Le bénéfice que nous retirons de cette science est le fait d'obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'obtenir la satisfaction de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsque nous récitons le Coran selon ce qu'il nous a ordonné, lorsqu'il nous ordonne en disant « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ». La huitième, donc on voit dans cela que si nous obtenons la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cela, on voit que ceci est une adoration à part entière. C'est-à-dire que la récitation du Coran, la lecture du Coran est une adoration à part entière, et comme cela, la récitation du Coran avec les règles de Tajwid, à partir du moment où la personne fait des efforts dans sa récitation, eh bien cette personne-là aura une récompense. Nam? Pardon, ça a coupé la fin. Nam, vous m'entendez? Oui, c'est-à-dire à partir du moment où la personne fait des efforts. D'accord. À partir du moment où la personne fait des efforts, donc la lecture du Coran en elle-même est une adoration. Mais là, à partir du moment où la personne fait des efforts dans la récitation du Coran et récite le Coran selon les règles de Tajwid, ceci est une adoration aussi à part entière. En plus de la lecture, c'est-à-dire on a la lecture et on a la récitation avec les règles de Tajwid. Donc cette personne-là obtient la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette adoration à part entière, le fait de réciter le Coran selon ses règles. La huitième introduction, et ici c'est la dernière introduction puisqu'il y a deux autres introductions qui sont rentrées dans celles qu'ils ont précédées, comme je vous ai dit. Dans la plupart des sciences, quand on étudie une science, on a ce qu'on appelle le muqaddimat el ashar, c'est-à-dire les 10 introductions propres à chacune des sciences qu'on étudie. Il y a deux des introductions qui sont rentrées dans celles qui sont passées, donc je ne les ai pas citées ici, puisque ce serait une répétition. Donc la huitième et dernière introduction par rapport à la science du Tajwid, c'est quel est son mérite. elle trouve son importance dans le fait qu'elle fasse partie des sciences du Coran, comme je l'ai dit au début du cours, avant que tu arrives, Omar. Donc, je te laisse revoir ça dans l'enregistrement. Simplement, ici, j'ai rappelé certains mérites, certains ahadiths qui tournent autour du mérite de l'étude du Coran et de sa récitation. Puisque donc, les mérites de cette science se trouvent dans le mérite du Coran et de la lecture du Coran et de son apprentissage. Donc, les mérites du Tajwid en elle-même, eh bien, elle se trouve dans les mérites du Coran en lui-même et les mérites de sa lecture et de son apprentissage, car elle fait partie des sciences du Coran, et la manière que tu auras de donner sa place, que le musulman aura de donner sa place au Coran comme il se doit, et bien ceci passe par plusieurs choses, et parmi ces choses là le fait bien sûr de lire le Coran, de comprendre le Coran, de comprendre l'essence du Coran, de méditer sur le Coran, et toutes ces choses là font partie des manières que tu as qu'a le musulman de donner sa place correcte au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi ces choses, il y a le fait de réciter le Coran avec les règles de Tajwid, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici donc, j'ai rappelé ici certains hadiths qui nous montrent les mérites de l'étude du Coran et de sa récitation. On a le hadith de Uthman qui est rapporté par Uthman radiyallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dans le sens approximatif de ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Qur'an et l'a enseigné. Donc ça fait partie des grands mérites du Qur'an, de son apprentissage et de son enseignement. Il n'y a pas de doute que la personne qui apprend le Coran, elle l'apprend avec ses règles de récitation et elle l'enseigne avec ses règles de récitation. Comme cela, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui se trouve dans le Bukhari muslim, donc qui est unanimement jugé authentique, où il dit: « Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safati al-kiram al-barara, wal-ladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq, law ajran. » Dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles anges messagers obéissants. Quant à celui qui, malgré ses difficultés, le récite en annonant, c'est-à-dire le fait de yatata'ta, ils le traduisent par le fait d'annoner, et annoner c'est le fait de bégayer en fait. Celui qui récite en annonant, en bégayant, aura une double récompense. C'est-à-dire dans ce hadith que cette personne-là, il aura la double récompense qui est le fait d'avoir récité le Coran et le fait d'avoir, malgré ces difficultés-là, continué dans la récitation du Coran. Voilà sa double récompense. Une récompense pour la récitation et une récompense pour l'effort. Et bien sûr, celui qui est cité en premier, qui lui sera avec les nobles anges, messagers et obéissants, celui-là sera meilleur que le deuxième, mais malgré sa place où il sera meilleur que le deuxième, celui qui excelle dans la récitation du Coran, et bien le deuxième, qui lui a du mal, et bien il aura quand même deux récompenses, aussi par la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme cela, ce hadith qui est rapporté par Abu Hurayrata, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ رواه مسلم. Donc, dans le sens approximatif de ces paroles, il n'y a pas un groupe ne se réunit dans une maison d'Allah pour lire le Coran et l'étudier, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les entoure, que les anges ne les couvrent de leurs ailes et qu'Allah ne fasse de leurs éloges à ceux qui sont auprès de lui. Tout cela montre les mérites du livre d'Allah, de son apprentissage, de sa récitation, de son enseignement. Et donc, cela, on a le mérite de l'apprentissage de la science de Tajwid. Donc tous les mérites qui sont en rapport avec la science de Tajwid sont ton rapport avec la, le Coran en lui-même et son apprentissage et son enseignement. Voilà, pour, ça c'est pour les, l'introduction à la science du tajwid, les frères. Il nous reste un petit peu de temps. On va ouvrir simplement le deuxième PDF que je vais vous envoyer. Ce sera donc le PDF pour le cours, pour le prochain cours. On va essayer de voir juste le début de ce PDF-là, Inch'Allah ta'ala. Et je vais vous l'envoyer à la fin du cours, comme je vous envoie le dernier PDF. Donc là, est-ce que juste, juste on va voir ce PDF, après je vais voir si vous avez des questions par rapport à ça. Donc ça, c'est le prochain cours. Il sera, on est toujours sur une introduction. Et ces introductions-là, comme je vous ai dit, c'est des introductions qui sont très très importantes. C'est des choses qui sont à cerner par rapport à l'étude de la science du Coran. Et l'introduction qu'on a prise au dernier cours et au cours d'aujourd'hui est quelque chose de très très important, même si ça n'apparaît pas clairement. Mais c'est quelque chose qui nous donne cette envie d'apprendre le Coran, cette envie d'apprendre le Tajwid. Et ce sont des introductions techniques, mais qui sont yani, tellement importantes, comme par exemple la définition du Coran en lui-même, les erreurs, les différentes erreurs dans l'arrestation du Coran, ce sont des choses que, à partir du moment où on les a appris, eh bien, on change notre regard sur notre récitation à nous-mêmes et l'arrestation des autres. Et la manière de se comporter par rapport à cette récitation-là, et la manière d'avancer par rapport au fait d'améliorer sa récitation. Donc la prochaine, le prochain cours, il y aura cette... Yanni, c'est aussi une partie de l'introduction. Là, on rentre dans le début des règles de Tajwid, mais toujours Yanni, sous une certaine forme d'introduction. Le début du cours sera sur les différents niveaux de la récitation coranique. Ces différents niveaux. Et la récitation du Coran s'appelle At-Tartil, comme dans le verset. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. At-Tartil, donc, c'est At-Tajwid, c'est la récitation du Coran. Elle est de trois niveaux en fonction de la vitesse de la récitation. Et comme cela, on va voir cela, on va voir des exemples avec un petit peu de pratique. Et ici, dans le prochain cours qu'on va voir, comme vous voyez devant vous sur le PDF, j'ai mis donc à un certain moment ce petit icône-là de danger. Et une chose que je n'ai trouvée dans très peu de livres qui traitent de Tajwid, le fait de bien mettre l'accent sur les erreurs de ceux qui récitent le Coran avec les paroles de nos savants salafis. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais trouvée dans des livres qui traitent du Tajwid. Parfois, il y a un petit accent qui est mis sur les erreurs faites dans la récitation du Tajwid, mais toujours avec un regard de spécialistes de lecture du Tajwid. Et les spécialistes, ils ont divergé, comme on va le voir dans nos cours, ils ont divergé sur des points où, on ne va pas dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir divergence, mais ce sont des divergences qui ne sont pas de base, qui ne sont pas sur la base de l'arrestation. Ce sont des choses que, si cette personne-là lit selon la manière que l'autre a vu que c'était une erreur, ça ne change pas le fait qu'il aura récité le Coran avec les règles de Tajwid. Mais les erreurs que nous, on va mettre en avant dans ce PDF-là, ce sont des erreurs du point de vue de la Sunna. Une personne qui n'aura pas respecté la Sunna dans sa manière de lire le Tajwid, ça c'est une chose que moi j'ai mis dans ces PDF que j'ai écrits, que j'ai vu personne jusqu'à maintenant mettre l'accent sur cela. Quelque chose qui est assez important afin de bien voir, et cela... Car beaucoup de frères, ici en Égypte, moi j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec beaucoup de frères qui, eux, ils sont spécialisés, c'est des frères salafis, spécialisés dans la récitation du Tajwid, mais ils tombent dans ces erreurs-là. Car cette science du Tajwid, le fait d'être spécialisé dans la science, ça ne veut pas dire d'avoir une science autour de la sunna. Et cette science-là, du fait que, comme on l'a vu dans notre introduction, son origine... Et dans le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, waratil Qur'an tartila, et dans la manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de réciter le Qur'an, il faut, pour celui qui apprend les sciences du tajwid et qui l'enseigne en particulier, il faut qu'il ait une certaine science de la sunna. S'il n'a pas cette science de la sunna, il tombera dans des erreurs dans lesquelles tombent beaucoup de ceux qu'on appelle des spécialistes dans la récitation du Coran, comme on va le voir inchallah au prochain cours par rapport à cela. Donc on aura un cours dans le prochain cours sur les différents niveaux de récitation du Coran, ainsi que ce qui est rapport par rapport à la manière, par rapport à la sunna de réciter le Coran, par rapport à ces niveaux de récitation. Et on rentrera après dans la manière de faire al-isti'ada, donc la demande de protection, ensuite al-basmala, et ensuite le début de la récitation du Coran, comment débuter sa lecture, de quelle manière débuter sa lecture, par rapport à al-isti'ada, al-basmala et le début de la récitation. Inch'Allah ta'ala. Je vais vous envoyer le PDF, comme ça vous l'avez déjà, et si vous voulez commencer à le lire pour en prendre connaissance. Et je voulais savoir si vous avez des questions par rapport au cours. Havidakumullah. Là, bien sûr, c'est beaucoup de la technique, du fait que c'est une muqaddima. Il n'y a pas de problème pour les questions. La porte, elle est ouverte pendant tout le cours. Mais au prochain cours, Inch'Allah, il y aura un peu de pratique petit à petit, jusqu'à arriver à certains cours où il y aura au moins la moitié du cours. Il faudra qu'on pratique et tout pour bien que ça rentre, Inch'Allah. Rafiq, Barakallah. Est-ce que vous avez des questions, les frères, par rapport au cours d'aujourd'hui? Non, Alhamdoulilah, ça. Non, moi j'ai juste un commentaire à dire. Tafadal. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, plus t'essayes d'apprendre des choses et dans la science, plus tu vois que t'es ignorant. Subhanallah. Bonne chose, Akhil Karim, on a fait des cours, Akhil. Comme je disais à Fawzi, on a fait des cours de tajwid. C'est différent, là. On l'a mandé avec Akhil, vraiment. Alhamdulillah. C'est même pas concernant la fidélité qu'on a avec toi, mon corps. Là, Alhamdulillah, donc c'est une bonne chose. Hafidakumullah. Rien à voir, Akhil. Pour moi, ça n'a rien à voir. Alhamdulillah. C'est une journée. Allah, on s'assoit, on récite des versets. On n'a pas Allah. S'il y a quoi que ce soit, les frères, vous n'hésitez pas, dans tous les cas. Omar, si tu peux donner aussi mon numéro à Fawazi, comme ça. S'il y a besoin de quoi que ce soit, vous me contactez soit sur le WhatsApp, soit sur le Zoom. Je l'ouvre pas tout le temps, vraiment pendant les cours. Mais sinon, sur le WhatsApp, s'il y a quoi que ce soit comme question, au moment où vous lisez le PDF et tout, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Je suis à votre disposition, Inch'Allah. Wa fiikum barakallah, ya ikhwa, barakallah fiikum de votre attention. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Okay. Embrasse Adam pour nous, Inch'Allah. Hafidakallah. Passe le salam aux enfants, Fawazi aussi. Allah Mabarak. Fawazi, c'est son tonton, il le voit souvent, non? MashaAllah. Allah Mabarak. حفظكم الله. والله très bien, الحمد لله, ça va très bien, بارك الله فيك. حفظك الله. Fawazi, passe un grand salam aux enfants aussi, Fawazi, oublie pas. Comment? Passe un grand salam à tes enfants pour nous, Inch'Allah. Ah, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants. T'es pas marié, Fawazi? Ah là là, Omar, faut qu'on s'occupe de lui là alors. Ça y est.